au sport. Le 30 novembre, au hockey mineur, dans la Ligue Simplette Offer de Saint-François, l'équipe novice B des Sharks du Haut-Saint-François affronte Club Piscine Sherbrooke 1 au centre Julien Ducharme de Fleurimont à 12h15. L'équipe novice B reçoit Frontalier Quaticook à 13h30 à Estinguis. Le 2 décembre, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent est à Victoriaville pour affronter le Collège du Claretin à 18h.